Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la crise du canal de Suez. بسم الأمة رئيس الجمهورية مادة واحد. Au nom de la nation, le président de la République décrète que la compagnie universelle de Suez est nationalisée. شركة مساهمة مصرية. Tous les biens et droits qu'elle possède et les obligations qu'elle a sont transférés à l'État. C'est le 26 juillet 1956 que le colonel Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez. Cette nouvelle est reçue comme un véritable coup de force au Royaume-Uni et en France. Il faut se rappeler que la compagnie qui exploitait le canal de Suez était détenue par des intérêts français et britanniques, justement. En octobre 1956, la France, le Royaume-Uni et Israël s'entendent sur un plan de riposte qui débouchera sur une guerre contre l'Égypte. Et c'est le Canadien Lester B. Pearson qui permettra finalement le dénouement du conflit avec la création de la toute première force internationale de maintien de la paix des Nations Unies. Pearson va recevoir le prix Nobel de la paix en 1957 pour son rôle déterminant dans la résolution de la crise du canal de Suez. La nationalisation par l'Égypte de la compagnie du canal de Suez a accru les dangers que comportait la situation au Moyen-Orient. La mesure prise par l'Égypte a introduit un élément de menace aux échanges commerciaux dont dépend la vie économique de plusieurs pays. Elle a placé le contrôle de la navigation dans le canal aux mains d'un gouvernement qui, depuis un certain nombre d'années, refusait l'accès du canal aux navires israéliens à l'encontre d'une résolution du Conseil de sécurité. Nous avons soutenu que le règlement des questions relatives au canal et qui intéresse directement tant de pays devait être réalisé sous l'égide des Nations Unies et qu'il fallait exclure tout recours à la force. Le premier ministre canadien Louis Saint-Laurent, qui expose la position de son gouvernement dans l'affaire du canal de Suez à la télévision en novembre 1956, pour nous expliquer les tenants et aboutissants de cette crise du canal de Suez en 1956, l'historien André Champagne. André, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Avant de parler de la crise, on va le faire pendant toute l'émission, un petit mot quand même pour nous rappeler ça commence quand et dans quelles circonstances ce fameux canal de Suez, quand est-ce qu'il est construit? Alors, il est construit dans les années 1850-1860. Il ouvre officiellement en 1869. C'est une réalisation française du grand Ferdinand de Lesseps qui a échoué, lui, dans sa tentative de percer un canal à Panama, ce que les Américains réussiront à faire. Sauf qu'à partir des années 1875-1880, le canal, à toute fin pratique, passe sous des intérêts britanniques, mais il y aura quand même une espèce de compagnie internationale franco-britannique qui va le gérer jusqu'en 1956. Cette voie d'eau est vraiment extrêmement importante, sauf qu'elle est gérée par la Grande-Bretagne. En 1955, 15 000 navires l'avaient emprunté. C'est par ce canal que transitait la moitié du pétrole qui était consommé en Europe. Et puis, à cette époque-là, le canal rapportait au Trésor britannique 35 millions de dollars, dont seulement 2 % allaient aux Égyptiens. Donc, on voit bien, pour le Royaume-Uni, mais pour toute l'Europe, importance géographique, importance économique très, très grande. Oui, importance de ce stratégique canal-là. majeure. Alors, le 26 juillet 56, on l'entendait il y a un instant, Nasser qui décide, qui annonce, avec cette ovation qu'on lui réserve, la nationalisation du canal. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que Nasser voulait construire le grand barrage d'Assouam pour assurer les besoins énergétiques de l'Égypte. Les Américains et la Banque mondiale s'étaient engagés à financer le projet. Mais étant donné qu'en septembre 1955, l'Égypte annonce que désormais elle achètera des avions de combat, des tanks et des canons de l'Union soviétique via la Tchécoslovaquie, soudainement, Washington, Londres, durcissent le ton à l'endroit de Nasser. Nasser, qui était vu comme un partenaire relativement avec qui on pouvait s'entendre, du jour au lendemain est littéralement démonisé. Et il passe, c'est la guerre froide. C'est la guerre, on est en pleine guerre froide. Et, on craint que, à partir de l'Égypte, l'Union soviétique s'infiltre un peu partout au Moyen-Orient. Donc, étant donné que Washington, et la Banque mondiale ont décidé de ne plus financer le projet du barrage d'Assouam, Nasser se dit, la seule alternative qui nous reste, c'est de nationaliser le canal de Suez, qui de toute façon est sur le territoire, et sur le territoire égyptien. Il a besoin d'argent, lui. Pour financer justement le projet du barrage d'Assouam. Et ce qui est assez révélateur, c'est que ce projet-là de nationalisation stipulait que les intérêts franco-britanniques seraient indemnisés et que les navires européens pourraient continuer à transiter par le canal. Sauf qu'ils seraient désormais gérés en fonction des intérêts égyptiens. Mais pour Londres et Paris, c'est inacceptable. C'est tellement inacceptable que la réaction va être vraiment très, très forte. Je le disais au tout début de l'émission, c'est vu de Londres et de Paris comme un coup de force, cette nationalisation. Écoutez bien, André. Vous savez, ces petits films qu'on faisait, ces petits films d'actualité, films français présentés en août 1956 et qui nous montrent la commotion que crée à Londres et à Paris la nationalisation par Nasser du canal de Suez. C'est la foule grave des jours de tension internationale qui accueillait M. Selwyn Lloyd, ministre des Affaires étrangères britannique, et M. Murphy, représentant les États-Unis. M. Pinault les rejoignait à son tour à Downing Street pour examiner les mesures à prendre devant le coup de force accompli par le général Nasser. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Voici à peine 2 ans, Nasser et le représentant de la Grande-Bretagne, en signant l'évacuation de Suez, avaient garanti le régime du canal jusqu'au terme du mandat fixé à 1968. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs? Alors, retenir le ton de ce film d'actualité, ça en dit beaucoup sur la manière dont c'est perçu à Londres et à Paris. Écoutez, André Champagne, on évoque presque le fantôme d'Hitler qu'on vient d'entendre. Dans son discours, Anthony Eden, à la Nation britannique, compara le geste de Nasser au geste posé par Hitler suite à la conférence de Munich, la violation des accords de Munich, quand l'Allemagne absorbe le royaume de Bohème-Moravie en mars 1939. Les Français diront la même chose. Les Français diront que si on ne réagit pas, immédiatement, ce serait de répéter l'erreur qu'on avait faite en 1936 quand Hitler avait remilitarisé la Rhénanie et que les démocraties l'avaient laissé faire. Donc, on le démonise. Pour les Français, Nasser est vu comme un ennemi d'autant plus important que il y a des relations entre Nasser et le FLN. Le FLN a des bureaux au Caire et les Français ont intercepté un navire égyptien qui transportait des armes au FLN. Mmh. Donc, pour les Français, Nasser est vu comme vraiment un allié du FLN dans la guerre que la France livre au Front de libération nationale algérien depuis 1954. Donc, le conflit a cette dimension-là également. Bon, l'insatisfaction, le mécontentement est si grand. Ça, c'est assez extraordinaire, même dans l'histoire du 20e siècle, il y aura cette conférence, mais vraiment ultra secrète, la conférence de Sèvres, où le Royaume-Uni, la France et Israël vont se réunir pour déboucher sur un plan d'intervention. Le contexte d'abord, parce que c'est trop extraordinaire. Le contexte, c'est que Israël avait décidé, à la fin de 1955, de faire la guerre à l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, à l'époque, contrôlait la bande de Gaza. Et à partir de la bande de Gaza, les fédayines palestiniens armés par l'Égypte menaient des opérations en territoire israélien. Et Israël faisait des opérations répliquer à ces opérations-là en attaquant des cibles fédayines. Donc, Israël voulait en découdre avec les fédayines. Israël voulait régler le problème de la bande de Gaza. Et Israël est extrêmement inquiet de l'annonce de l'achat d'armes soviétiques par le gouvernement égyptien en septembre 1955. Donc, Israël voulait faire la guerre, voulait en découdre avec l'Égypte. Sauf que Israël estimait qu'elle devait avoir un prétexte puis qu'elle devait avoir autant que possible des alliés. Ouais. Alors, ce qui se produit, c'est que Nasser annonce la nationalisation du canal le 26 juillet 1956. Et à ce moment-là, les Français et les Israéliens se disent d'une pierre deux coups. pourquoi ne pas tout simplement mener conjointement une opération contre Nasser? Les Français voulaient débarquer Nasser. Ils savaient que les Britanniques également voulaient renverser Nasser. Les Israéliens voulaient faire la guerre à Nasser et à l'Égypte. Donc, on décide de se réunir à Sèvres, en banlieue de Paris, à la fin octobre 1956, et on décide de conclure l'espèce de pacte machiavélique suivant. Réunion secrète, évidemment. Réunion ultra secrète. Dans un premier temps, c'est Ben Gourion, le premier ministre israélien, qui rencontre Guy Mollet, le président du Conseil français. Selwyn Lloyd, le ministre des Affaires étrangères britannique, sera présent, mais le lendemain. Mais ce qui ressort de la conférence de Sèvres, c'est le plan suivant. Dans un premier temps, Israël va attaquer l'Égypte, va attaquer le Sinaï en trois directions. Elle va attaquer en direction du canal, en direction du détroit de Tiran et puis dans la bande de Gaza. Israël va s'approcher assez rapidement du canal de Suez. À ce moment-là, l'Égypte va répliquer, évidemment. À ce moment-là, les Britanniques et les Français vont lancer un ultimatum ordonnant aux forces israéliennes et aux forces égyptiennes de se retirer d'une certaine distance de la zone du canal. Les Israéliens vont obtempérer, mais l'Égypte, évidemment, qui défend son territoire, va sûrement pas obtempérer. Ce qui va donner le prétexte aux Britanniques et aux Français d'organiser cette espèce d'expédition à la fois de bombardement contre Port Saïd et Alexandrie et du débarquement de parachutistes français et britanniques pour s'emparer de la zone du canal. Ça, c'est le plan qui est conclu. Mais il y a une chose qu'on doit dire aux auditeurs, c'est qu'à Sèvres, Ben-Gourion voulait absolument qu'il y ait un document écrit. Ouais. Alors qu'Anthony Eden ne voulait pas de document écrit parce qu'il voulait pas de preuve, lui, qu'il y avait eu cette espèce d'entente secrète-là. Et pourquoi est-ce que Ben-Gourion voulait un document écrit? C'est que qui était le mandataire de la Palestine jusqu'en 1948? C'était la Grande-Bretagne. Ouais. Et il y avait eu... Ça s'était très mal passé entre Londres et le futur État israélien. Donc, il y aura des notes. Il y aura un plan, celui que vous nous avez décrit, savamment préparé et minutieusement et très méticuleusement mis en place. Oui, c'est exactement ce que vous avez décrit qui va se passer. Exactement. Et ça va provoquer, puis on y revient dans un instant, la colère de Washington. Mais d'abord, c'est devenu presque la tradition, quand vous êtes avec nous, André Champagne, un petit extrait de l'émission Point de mire, où René Lévesque, vous allez voir, journaliste à l'époque, explique le calcul, au fond, et la petite surprise qui les attend, mais le calcul de la France, du Royaume-Uni et d'Israël à la conférence de Sèvres. Et ce même régime du colonel Nasser, il était également... À cause des armes, surtout, qu'il recevait de la Russie depuis des mois, il était l'incarnation la plus dangereuse de cette haine du monde arabe vis-à-vis de l'État juif, de l'État d'Israël, qui depuis 9 ans, depuis sa création, ici tout petit dans son coin, est obligé de vivre littéralement en état de siège, nuit et jour, depuis 1948. Et alors, à la fin d'octobre et au début de novembre, il y a 4 mois et demi, on se souvient que Israël d'abord, et puis la France et l'Angleterre, ont vu l'occasion de liquider tout le problème d'un seul coup, si vous voulez, c'est-à-dire de renverser le régime du colonel Nasser et en même temps pour les Juifs d'Israël de s'assurer la sécurité, pour les Français et les Anglais de reprendre le canal et leur influence. Il y avait seulement un mauvais calcul dans toute l'affaire, c'est que la Russie, évidemment, a été contre tout de suite, on s'y attendait, mais les Américains également ont été contre. Et pour la première fois depuis le début de la guerre froide, les Américains et les Russes étant ensemble, même provisoirement, ça a suffi pour mobiliser, évidemment, toute l'opinion mondiale aux Nations Unies. Ça a fait reculer Israël, la France et l'Angleterre. Et même, on peut dire que la seule chose qui les a sauvés de l'humiliation totale qui aurait été d'être obligés de remettre leur pauvre conquête, ça a été une idée canadienne, celle de M. Pearson aux Nations Unies, qui a proposé cette force de police des Nations Unies. Ça s'appelle, expliquer une situation complexe de manière lumineuse et éclairante. On reviendra sur le sauveur Pearson dans une minute ou deux, André Champagne, mais cette colère, c'est ça au fond que n'avaient pas prévu les Britanniques et les Français, la colère de Washington... Elle sera grande. Comment s'explique-t-elle? Elle est tout à fait justifiée parce que Eisenhower, à ce moment-là, essaie de rallier les pays du Moyen-Orient dans un grand système d'alliance qu'on va appeler le pacte de Bagdad pour empêcher l'Union soviétique de s'immiscer dans la région parce que Washington est extrêmement inquiet depuis l'entente conclue en 1955 entre Moscou et le Caire. Donc, pour les États-Unis, la priorité, c'est d'empêcher l'ours russe de s'immiscer au Moyen-Orient. Et donc, et également de ne pas s'aliéner les pays arabes en soutenant cette expédition coloniale parce que c'est ce que c'est l'expédition suède que mènent Paris et Londres. Donc, les Américains Américaines n'ont pas le choix que de se dissocier de leurs alliés traditionnels pour ne pas se mettre à dos le monde arabe. Et ce n'est pas banal, parce que, encore une fois, on le disait un peu plus tôt, on est en pleine guerre froide, il faut toujours avoir ça en tête. Cet épisode-là, de tension entre Londres et Washington, ça n'aura aucun égal dans tout le 20e siècle. Non, et ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que ça survient au moment où l'URSS est en train d'écraser le soulèvement hongrois. C'est vrai. Parce que la Hongrie en octobre-novembre 1956, a annoncé son retrait du pacte de Varsovie et la Hongrie veut sortir du régime communiste. Donc, Moscou écrase l'insurrection hongroise. Au moment où se déroule cette crise en Égypte, dont l'enjeu est le canal de Suez. Donc, c'est un enjeu majeur. Et au même moment, Eisenhower affronte l'électorat, parce que nous sommes en novembre 1956. Il pense à sa réélection, le président Eisenhower. Donc, c'est un contexte extrêmement grave. Et ce qui se produit finalement à la fin octobre-novembre 1956, c'est un réalignement complet de la région du Moyen-Orient qui annonce ce qui va arriver dans les décennies suivantes. C'est au fond un peu la fin de cette empreinte coloniale des Français et des Britanniques au Proche-Orient. C'est la fin de la politique de la canonnière. C'est la fin du vieux impérialisme français et britannique. C'est clair en 1956 que les deux meneurs du jeu international sont les Américains et les Soviétiques. C'est fini le temps des colonies. Bon, plus ponctuellement, ça reste diplomatiquement très embêtant, cette affaire-là. René Lévesque l'évoquait, et c'est Pearson, Canadien, qui est aux affaires étrangères à l'époque, qui deviendra premier ministre, qui va être un peu le sauveur, qui va permettre à tout le monde de sauver la face avec cette idée qu'il va présenter à l'Assemblée générale des Nations unies le 3 novembre 1956 de créer une première force internationale de maintien de la paix. On l'écoute donc aux Nations Unies. My delegation would like to submit to the Assembly a very short resolution, which I venture to read at this time. It is as follows. La délégation canadienne aimerait soumettre à l'Assemblée une très courte résolution qui se lit comme suit. Considérant l'urgence d'en arriver au respect des résolutions 8, 3, 2, 5 et 6 du 2 novembre, il est demandé au secrétaire général de soumettre dans les 48 heures un plan pour la mise sur pied d'une force internationale de maintien de la paix, en accord avec les pays concernés, de manière à sécuriser et à superviser la fin des hostilités, en conformité avec les résolutions déjà mentionnées. In accordance with the terms of the above resolution. Alors, Lester B. Pearson aura le prix Nobel de la paix en 57 pour son rôle dans le dénouement de cette crise-là. Quelle importance va avoir Pearson? Quelle importance aura le Canada, André? C'est un rôle majeur parce que c'est lui qui a l'idée des casques bleus. Et les casques bleus, évidemment, vont faire école. Et les casques bleus, on va souvent les associer à la diplomatie canadienne. C'est que le Canada joue le rôle de ce que les Américains appellent « middle power », de puissance intermédiaire. Le Canada devient un grand spécialiste des missions de médiation dans les conflits internationaux. Et ce qui est assez amusant, c'est que Pearson, à ce moment-là, bon, il était ministre des Affaires étrangères, mais pendant la crise, il est à New York, tout près des Nations unies, et il rencontre tous les diplomates étrangers dans des cafés tout près de la maison des Nations unies à New York. Et c'est une espèce de diplomatie personnelle qu'il maîtrise parfaitement. Pourquoi? Il va les chercher. Il va les chercher. Il les rencontre un à un. Ils vont parfois s'inviter les uns les autres. Mais c'est qu'il joue le rôle de l'intermédiaire honnête et crédible. Oui. Et il profite du fait que le Canada est vu comme une puissance qui n'a pas d'intérêt lié à la crise de Suez. Et c'est lui qui lance cette tradition du Canada, vraiment, de pays qui médiateur, tradition qui va se maintenir jusqu'à 2006, étant donné M. Harper et que Justin Trudeau essaie de ramener. Ouais. Mais son prix Nobel de la paix, il était vraiment, vraiment mérité. Rappelons que Lester B. Pearson était historien de formation. Voilà, c'est dit. André Champagne, vous rougissez en disant ça. André, Pearson va avoir le Nobel de la paix en 57. Louis Saint-Laurent, qu'on entendait au tout début de l'émission, son gouvernement va être défait à l'élection de 57. Je lisais en préparant l'émission que au Canada anglais, le fait que le Canada, passez-moi l'expression, mais ce sera vu au Canada anglais comme ça par certains électeurs, le fait que le Canada anglais lâche la Grande-Bretagne. Serait pu. C'est la carte que jouera Diffin Baker. Diffin Baker va attaquer. Est-ce que ce sera déterminant dans le résultat de l'élection? Possiblement, mais il y a aussi une question d'usure du pouvoir. Oui. Parce que le gouvernement libéral est au pouvoir. Les libéraux sont au pouvoir depuis 1935. Donc, ça fait quand même 35, 57. Ça fait quoi? Ça fait plus de 22 ans. Oui. Donc, il y a une certaine usure. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est les conséquences de la crise de Suez. Oui. Ben, allons-y pour terminer cette émission, parce que c'est effectivement intéressant. Allons-y assez systématiquement. Qui gagne, qui perd dans cette affaire-là? Pour l'Égypte. Pour Nasser. C'est une défaite militaire qui devient une véritable victoire politique. Il est vu comme ce leader arabe qui a enfin tenu tête aux puissances occidentales et qui a permis à l'Égypte de conserver le contrôle du canal de Suez. Grande victoire nationaliste. Grande victoire. Et il est perçu comme possiblement celui qui pourra créer ce grand rêve d'unité arabe. Les Américains, eux, ressortent vraiment pas grandis de la crise, mais le fait qu'ils aient ramené à l'ordre Londres et Paris, ils auraient pu se discréditer auprès des pays arabes, donc ils ont sauvé les meubles. Israël sort grandi de ce conflit-là parce qu'Israël a vraiment fait sa démonstration de force. Israël a la garantie que les casques bleus de l'OTAN seront disposés dans la bande de Gaza près du canal de Suez et surtout près du détroit de Tiran, qui permet aux navires israéliens de se rendre au port d'Eilat. Et les Américains s'engagent justement à s'assurer que la libre circulation sur le golfe d'Aqaba soit maintenue, soit autorisée par l'Égypte. On l'a un peu évoqué, mais au fond, les plus grands perdants, c'est le Royaume-Uni, c'est la France, ces anciennes puissances coloniales. Exactement, parce que c'est la guerre de 1956, la guerre de Suez, c'est la fin de ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière. C'est bel et bien le glas de l'Empire britannique et de l'Empire colonial britannique et de l'Empire colonial français. Parce que ces pays-là menaient cette poursuite. C'était de partager les territoires. Tout à fait. Et ils doivent se rendre compte que dorénavant, il faut passer par Washington et par Moscou. Le Canada, évidemment, le Canada, comme je l'ai dit tantôt, son image de pays médiateur, de pays de puissance intermédiaire, sort grandi. Et c'est pas un hasard si depuis 1956, quand il y a des missions de paix de l'ONU, souvent l'ONU se tourne en direction du Canada. Pourquoi? Parce que l'ONU est parfaitement consciente de la bonne réputation des soldats canadiens et de la diplomatie canadienne. Et une crise importante aussi, l'un des autres gagnants, c'est les Nations Unies elles-mêmes, en fait. Les Nations Unies, oui, effectivement, ouais. qui ont joué le rôle qui était le sien selon la charte de 1945. André Champagne, historien, ami de l'émission. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Marie-Claude Picard. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.